Y'a des armes cachées vers le coffre. Je me suis fait avoir donc je fuck le love. Tu me dis que je suis beau, je te réponds un lol. En restant toi-même, tu as marqué un goal. Ils veulent me tester, je dis oui. Ne me parle pas là, je suis les ouais. Je bois mon fort à fraise et kiwi. Ce qu'ils disent, je m'en bats les clés, oui. Ouais, c'est pas toi, tu joues quel rôle. Tu fais tout le temps slick à pas de bol. Tes blagues pétées sont pas de bol. M'a gonflé, faut que je m'envole. Me fais pas le fou, j'pourrais checker ta dame. Trop m'ont blessé, donc y'a plus t'es ta dame. Envie de merde de faire bibi bob bob. Arrête tes bobards, arrête tes bobards, arrête tes bobards, j'en ai trop là. Dis pas désolé, t'es fier t'as volé. La poche va te coller, va toucher le bas. J'ai fumé ma ganja, j'ai fumé ma ganja. J'ai fumé ma ganja, j'ai fumé ma ganja. Alléluia, les yeux fermés, j'profite, j'fais un souhait. Qu'est-ce que tu dis, c'est pas ma tête, j'l'ai loué. Des fois j'restais chez moi quand mes potes jouaient. Eh ouais, le front me glace, j'vais lâcher la bouée. Le cœur brisé, laisse-moi nouer. Fais-moi le bisou avant de m'évanouir. J'pense qu'on mange un yacht, mais les chiens deviennent lionnottes. Faut juste éviter les menottes. J'sens le gré à personne la vie. Sur ma vie, j'm'emmerde, mais je me dis que pire. J'me fais un flash d'alcool. Arrête tes bobards, arrête tes bobards, arrête tes bobards, j'en ai trop là. Dis pas désolé, t'es fier t'as volé. La poche va te coller, va toucher le bas. J'ai fumé ma ganja, j'ai fumé ma ganja. J'ai fumé ma ganja, j'ai fumé ma ganja. Arrête tes bobards, arrête tes bobards, arrête tes bobards, j'en ai trop là. Dis pas désolé, t'es fier t'as volé. La poche va te coller, va toucher le bas. J'ai fumé ma ganja, j'ai fumé ma ganja. J'ai fumé ma ganja, j'ai fumé ma ganja. La Nocturne. Lui aussi, son album est dans les bacs depuis aujourd'hui. Album surprise, Nekfeu. J'arrive luxe comme j'arrive luxe comme Yas. J'arrive en armure comme Diams. On a gravé sur les murs les noms des mecs du squat qui sont crevés dans la hure comme Yams. Oh là, j'arrive luxe comme Yas. J'arrive en armure comme Diams. On a gravé sur les murs les noms des mecs du squat qui sont tombés dans la pure comme Yams. Des croissants de lune sur la chaîne ou des magaines David. Fachot à la haine, on a maqué ta fille. Avec Uxer quand on maquette un feat. Tu mets la beuh dans le pot de Agendas vide. Nous c'est pas la même, on a marqué ta vie. Fous la merde comme moi, Marc Adafi. Oh mais merde, j'garde le sourire comme mes mères. Fais tourner ta potion s'te plaît. J'fais tourner ma portion de blé. On est en 2001, j'écris escrou dans le RERC. Ça galère sec quand mes potes sont de blé. Personne aimait ma gueule avant de percer. Je gagnais des battles avant les RC. T'écoutais pas de rap avant les RC. Tu ferais mieux de me remercier. Je me défoule contre tes textes pendant qu'Hakim pilote l'Audi. T'as beaucoup trop de défaites à casser les prix. Clap clap, c'est le bruit de mon public qui m'applaudit. J'aime la scène quand y'a tous mes gus dans le tourbus. J'ai fumé des forêts de séquoia. J'étais souvent un sec roya. Et maintenant, j'arrive luxe comme Yas. J'arrive en armure comme Diams. On a gravé sur les murs les noms des mecs du squat qui sont tombés dans la hure comme Yams. Oh là, j'arrive luxe comme Yas. J'arrive en armure comme Diams. On a gravé sur les murs les noms des mecs du squat qui sont tombés dans la hure comme Yams. Oh là. Ça fait bizarre de voir les keufs reconnaître ma tronche. J'suis sûr qu'eux aussi ils aimeraient connaître Macron. Big up à mes militaires en service que l'état trompe. Bellec à vous, ils ne protégeront que les patrons. Tu vois bien qu'ils nous aiment pas trop. Ils se battent que pour le fric, les vies sont divisées en classes. Des fois, ils deviennent des patrons. Les patrons jouent les flics sont déguisés en casseurs. Ça tire des flashballs dans la tête des manifestants. Grosse patate, vas-y pose ta plaque. Dans l'équipe, y'a des grosses carla. En mode Uber, grosse caisse, grosse basse, co-star black. On défraie la censure des plusieurs sujets. J'ai des frères, ses sœurs sûres dans plusieurs up. Mes prédécesseurs sujets, j'ai des cernes si. J'suis en club ce soir, c'est que des heures sup. Sur la route en famille, comme les gypsies. Tu veux un feed, je peux pas, gypsy. La somme n'est jamais dérisoire quand on revient de Ressoir. Fais la transac quand y'a un parking vide. Ouais, on trans ça. Si tu trahis, tu reçois des traces mauves sur la face comme Lamborghini. J'arrive luxe comme Yas. J'arrive en armure comme James. On a gravé sur les murs les noms des mecs du squat qui sont tombés dans la hure comme Yams. Oh là, j'arrive luxe comme Yams. J'arrive en armure comme James. On a gravé sur les murs les noms des mecs du squat qui sont tombés dans la hure comme Yams. Sur le terrain ou à l'arrière, à la ZZ, tu as 7 avec Catherine, on refait cette scène. Ouais, je tourne avec Catherine du 9, mais la mine vaut pas le prix d'une arme. Faut t'y faire, j'ai la maîtrise du mic. Qui tient les pancakes plus les roms, les plus gros fils de pute d'Europe. Et leur petite fête a pris plus de pute en robe qu'un tribunal. Zorica, plusieurs déclinaisons, maillot de hockey floqué, mon équipe et son banquet. J'suis sûr que les animaux méprisent les hommes comme la sclérose en plaque, j'aimerais détruire les os. T'aimerais qu'on te regarde, mais connais-tu ton rôle? Quand y'a une corrida, j'suis du côté du taureau. Ta voix est la plus belle, il ne passe pas ton charme, si t'es pas quoi comme Charles. J'ai une femme white comme Walter ou black comme James, qui me fait des plats comme j'aime. Dans mon squat que des meufs bien, pas de taspé. Si une taspé vient, ça va faire des passes des namasté. J'arrive luxe comme Yas. J'suis plus David, toi t'es plus Goliath. Personne ne misait sur moi, mais j'suis resté coriace. Tes centimes jusqu'au lias, bébé. J'arrive luxe comme Yas. J'arrive en armure comme James. On a gravé sur les murs les noms des mecs du squat qui sont tombés dans la hure comme Yas. J'arrive luxe comme Yas. J'arrive en armure comme James. On a gravé sur les murs les noms des mecs du squat qui sont tombés dans la hure comme Yams. On est nerveux, trouble fait, trop de stress. J'veux pas faire ce qu'il y a entre le S et le CREW. Nerveux, trouble fait, trop de stress. J'veux pas faire ce qu'il y a entre le S et le CREW. J'arrive luxe comme Yams. Squat. 100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Niska et Commando dans la nocturne. Comme un vrai charo, je déploie mes ailes. Sur Skyrock, dans la nocturne. La nocturne. Et pas tout seul, hein. MHD, Alonso, Nida sur le morceau. Il y aura Pepe Ross aussi un petit peu plus tard. Rien ne m'arrête, prévenez les haters.

sexuel, il se distingue, il se distingue. Je me distingue, c'est qui le dingue, c'est qui le dingue. La vie n'est pas un film, mais la rue nous rend acteur. Je relève le compteur à l'heure où les blablateurs parlent de ce qu'ils n'ont pas fait hier ou tout à l'heure. Rien à prouver, je me trouve cul à faire entrer les ronds à la pierre. You're listening to Cartel Records. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Catmatic. Monsieur Caris. Calage criminel. Automatique, boîte auto, catmatic, automatique, boîte auto, catmatic, automatique, boîte auto, catmatic, automatique, boîte auto, catmatic. On connaît la tactique, on a des armes dans le trafic, on maîtrise leurs pratiques, on nique la balistique. Automatique, boîte auto, catmatic, automatique, boîte auto, catmatic, automatique, boîte auto, catmatic, automatique, boîte auto, catmatic. C'est tous les jours Paris plage et nous tout ça devient aquatique. On ramasse tout le fric, on construit en Afrique. Bébé, ils veulent qu'on se crache, ça sent le boycottage. Pompe-moi le skeg si tu veux gonfler ton gilet de sauvetage. J'ai un Remington 700 sous mon pare-dessus. Rafale dans la bouche et tu craches des chicots par le cul. Tu fais moi la belle avec du sperme dans les cavités. On te juge pas, nous on veut juste te décapiter. Suce-moi la bite, compte pas sur moi pour m'excuser. T'es la plus grosse pute qu'une chatte n'ait jamais expulsée. Comme mes frères et mes sœurs, j'suis perdu dans Babylone. J'compte l'Elias, l'Elias, l'Elias, j'quête le babyphone. J't'ai laissé 50 larges, j'vais faire un tour, j'ramène la poudre. Y'a des pattes dans le placard et du musperre dans ta gourde. Automatique, boîte auto, catmatic, automatique, boîte auto, catmatic, automatique, boîte auto, catmatic, automatique, boîte auto, catmatic. On connaît la tactique, on a des armes dans le trafic, on maîtrise leurs pratiques, on est cabalistique. Automatique, boîte auto, catmatic, automatique, boîte auto, catmatic, automatique, boîte auto, catmatic, automatique, boîte auto, catmatic. C'est tous les jours Paris plage et nous tout ça devient aquatique. On ramasse tout le fric, on construit en Afrique. Dangereux comme un pyromane qui déclare sa flamme. T'es le genre de mec qui paye des mecs pour baiser ta femme. Je suis comme Corneille, je suis seul au monde, trop solitaire. Et quand je tire en l'air, c'est tout le monde à terre. Ils font du gueux ou de la R&B, de l'opéra. Juste pas la fameuse, trop obligé de t'opérer. Tu sens les meurs derrière la caméra. Et quand y'a en boule, le premier à coopérer. Wesh, Rémi, doucement. Sinon ils seront tous morts. Et si tu veux me voir, viens se voir où je monte. De trop me hard, me saute au tétu. Pas d'amour chez nous, je te baise et Naleki. Je fais la guerre comme un soviétique. Val dans la tête, tu vas sauver qui? Tu vas sauver qui? Les hommes brutes de cité, des histoires dramatiques. Des histoires dramatiques, une solution à chaque problématique. Oh mon gars, je t'aime bien, mais pas assez pour t'avancer 30 000 œufs. Le succès, ça attire les jaloux et les haineux. Un frère qui sort du ghetto, on est grave content. La faucheuse te donne rendez-vous, elle arrive à l'heure, elle a pas ton temps. Automatique, boîte auto, catmatic, automatique, boîte auto, catmatic, automatique, boîte auto, catmatic, automatique, boîte auto, catmatic. On connaît la tactique, on a des armes dans le trafic, on maîtrise leurs pratiques, on est cabalistique. Automatique, boîte auto, catmatic, automatique, boîte auto, catmatic, automatique, boîte auto, catmatic, automatique, boîte auto, catmatic. C'est tous les jours Paris plage et nous tout ça devient aquatique. On ramasse tout le fric, on construit en Afrique. Planète Rap 100% Explicit Lyrics. C'est C-Boy dans la nocturne. Je suis désolé, Rasta, je suis illuminé. Négro, raffiné, japonane, je vais tous l'épiner. Viens, viens, hop, on se barre, le crime sera pas élucidé. Me ressens toutes mes idées, je l'ai touché comme un kiné. Je suis acceptable que je baptise. On se connaît pas, me fais pas la bise. La bise fait pas le moins le meilleur TikTok de ma vie. J'ai vu, j'ai baisé, négro, je repartis. Allez les entendre, c'est des grossistes. Niquez vos mères, ils vont se aussi. Et je m'en bats les coups si tu veux mon avis. Je suis plus intouchable que Marcy 9 de I. Wesh. Comme les femmes dans la police. Nique l'acteur principal, fuck son Goku. Et vive Broly. Putain t'as changé négro, brune te chant. Depuis Adam et Eve, la femme nous contrôle négro avec une chatte. J'suis les ennemis, Masta, je suis illuminé. Négro, grand fumé, j'abandonne, je vais tous l'épiner. Viens, viens, rap, on se barre, le crime sera pas une lucide. Je ressens tous mes idées, je l'ai touché comme un kiné. Je vais les éliminer. Je vais les éliminer. Je vais les éliminer. Je vais les éliminer. Si ça va jusqu'à là, ça va plus vite. Pas de maladresse. Après Inago, viens, on se crée un autre. Et le soir m'a dit sur mon amboka. Faut que je m'en sors négro, destin royal. Ils sont nazis, ils se rasent des ongles. J'ai la broche de toutes les angles. Alors tu taffes de son oncle. En une fraction de seconde. Et mon pays s'est fait coloniser. Fait chier, à l'époque y'avait même pas créé en couleur de mon lycée. J'suis les ennemis, Masta, je suis illuminé. Négro, grand fumé, j'abandonne, je vais tous l'épiner. Viens, viens, rap, on se barre, le crime sera pas une lucidée. Je ressens tous mes idées, je l'ai touché comme un kiné. Français. 100% explicite lyrics. La nocturne. La bouche à recrache de la brume. Rade des coups, bâtiments délabrés. Subis les contrôles, c'est sans près de la brume. Relou comme ton plan argent qui est à son délabré. Vous êtes sur la boîte vocale du. J'écris des textes, j'bois dessinateur. Auteur d'image trop chaud pour mes dessinataires. Sur rap pas, j'ai vu des signes après. La paye du sénateur, mais j'suis plus encore sénateur. D'image trop chaud, c'est bien moi évidemment. J'vois la police everyday, j'ai plus trop envie d'amour. Rode dans le boîte, la chute t'as envie d'amener. Le sec tu vis ta mère, t'inquiète, ils ont envie d'amener. Ma gueule, ils vont vite t'amener. Mon frère, si t'es rebeu, ou bien si trop condamné. Car pour eux, à leurs yeux, les Yankees excités, tu les as bien trop calmés. Des fois ça me fait plus marrer. Le rap ou la débrouille. Parce qu'on prend plus ce qui m'arrive. Et fais pas trop de mes parer. Avoir plus rien dans les fouilles. Ça vient vite comme la marine. Des fois ça me fait plus marrer. Le rap ou la débrouille. Parce qu'on prend plus ce qui m'arrive. Et fais pas trop de mes parer. Avoir plus rien dans les fouilles. Ça vient vite comme la marine. C'est la jungle. Tu sais que les bolos sont abonnés. J'suis un perpète. J'ai pas essayé de mon temps. On check sa zone. Un seul numéro 1. J'aime ces derniers. Maman j'arrive de 3 millions, je rentre à la zone. Là faut que je rentabilise. Là faut que je rentabilise. Il t'ignore, il rentabilise. Elle t'ignore, elle rentabilise. Si je claque, je rentabilise. Si je claque, je rentabilise. Rattraper le temps perdu en euros. Histoire que je rentabilise. Encore défoncé de la veille. C'est pas la première de l'année. Jack Daim et le de la baie. J'allume un doré qui n'est pas le dernier de la nuit. T'inquiète sur moi, il faut monter la mise. Elle veut monter la mise pendant que je pense à l'hôtel la mise. Tu veux une tourière de Babel à puce. À la fure, prends tes patins, elle est pas belle à puce. SMPK de Kawasaki. Ensuite, fais tourner le Kamazaki. Vodka et kiwi, c'est que. du sinu, on fait toujours des dix chez nous. But en temps additionnel, crayon t'a dit chez nous, l'ennemi se dissonnait. On t'a gagné comme additionnel, on fait pas du sinu, on fait toujours des dix chez nous. But en temps additionnel, crayon t'a dit chez nous, l'ennemi se dissonnait. C'est la jungle, tu sais que les polos sont abonnés. J'fume la purple, j'ai passé tout mon temps, check sa zone. C'est numéro 1, deuxième c'est dernier. Maman j'arrive de 3 millions, je rentre à la zone. Là faut que je rentabilise, là faut que je rentabilise. Il t'ignore, il rentabilise, elle t'ignore, elle rentabilise. Si je claque, je rentabilise, si je claque, je rentabilise. Rattraper le temps perdu en euros, histoire que je rentabilise. Timal dans la nocturne. Quatrième rapport, c'est la nocturne 100% rap français. Ça continue avec du son de Niro qui arrive. Il sortira son album la semaine prochaine, Niro. Du son de Hussein, de Prévu, de Kekra. Bref, c'est loin d'être fini pour les nouveautés rap français. Planète rap, la nocturne. Partout où je vais, je suis refaire ma gueule. Par les braqueux, j'suis dans les loges, ta salope fait la Tout le temps elle va gratter d'alque. Y'a de la slatre, porte la manque. Ramène, Warren et R.O. sous Henken. Jamais tu fais le fou, on arrive en moins de deux. Ta mère, on va te la rentrer, faire en 22. Roulage, on enclenche la vitesse, mets les watts, mets l'essence. Tu veux du sang, tu veux des armes, t'en vas pas, j'suis venu sans. Garde le silence si t'as rien à dire de plus intéressant. La plus grande erreur des gens bêtes, c'est de se croire intelligent. Si elle pense qu'elle est mieux quoi, c'est la douche, pas d'engraissant. Même la manque aux jeunes en privé, se met des watts dans gémissant. Même la manque aux jeunes en privé, se met des watts dans gémissant. On commence avec la dalle pendant que certains ont fini sans lâcher un roulé. Les roulés, roulés, je l'ai fait, toi je suis voulé. Tous les ghetto youth m'ont dit de rouler. Voulez, prenez-les, vous allez couler. Grosse paire de couilles, rentre pas dans sa jean moulée. Si je dois mettre un calibre dans la sacoche, c'est pour la famille. J'ai flippé la France quand je suis avec mon fils et un communiste. Blabla, j'ai ça, j'ai cité ma ski ta mère. On pense pas faire des gros sous, sinon on va niquer ta mère. Blanc, le fili dans le bloc, on a un terre. On sourit comme un témoin de Jéhovah sur le père. Ils veulent pas payer, faut pas parler pour lui faire. Passez par la violence, vous les verrez qu'on paye. Quand je vous écoute parler de vos trophées, je me dis, heureusement qu'on dit pas ce qu'on fait. Maudits sont les chiennes qui font des blés ici. Foulé, pareil la rue, c'est pareil ici, on lâcherait rouler. Zéro, j'efface tout, je repars à zéro. Compteur réglé, bolé, n'a plus de défauts. Ils ont fui, on n'a pas collé, mais ça nous a permis de voir les fous. Maserati 2.0. C'est petit, c'est petit, c'est par de la tête, mais on sait. que c'est des salopes respectés comme c'est comme mais faut muser ses chats même s'ils sont pas dangereux. Son rap game personne ne les calculerait chez eux. Bande de kamaz sous la pression, je l'ai fait. Prends un kilo dans le coffre pour qu'un faut se taire. Ils ont la corde au cou et j'ai fait tomber le tabou. Jamais abandonne ta jure et pas trop fait. Le poids de la ville sur le dos. Je représente même les quartiers ribos hors de la zone. Faut que tu restes fort. Qu'est-ce que tu espaces de la ville, c'est exact. Voilà pour parler, mes bosser, nos projets s'enchaînent. Pendant que tu bégayes, nous on encaisse. Bullet s'en fiche de paix pour le déblé. Je suis paré, je suis lavé sur le terrain, on opère. Allez niquer vos pères, on les pousse, ils nous payent. Dans leur rap, dans la rue, on sait qui tient les thèses. On descend dans leur test, je viens du 93. ADV, c'est le logo, TP sur la quête. Je par la street, j'ai pas le droit de m'idor. Les efforts vont payer, quoi qu'il arrive, on ouvrira ce coffre fort. Oh oui, je les ai vus, ces zoulous devant nous, nous fermer les portes. Unis comme un seul homme, aucune de ces salopes ne m'impressionne. Maserati, Maserati, Maserati, Maserati, Maserati, Maserati, Maserati, Maserati, Maserati, Maserati, Maserati, Maserati, Maserati 2.0, j'efface tout, je repars à zéro. Plus de défauts. Ils ont fui, on n'a pas coulé, mais ça nous a permis de voir les faux. Maserati 2.0. No job pour ma monnaie, sur l'asphalte j'fais de la monnaie. Qu'importe l'endroit, les miens toujours charbonnés. Ils sont l'or dans ma cam, Blue Magic Johnson Lakers. Les keufs me connaissent par cœur, j'suis backé par l'inspecteur. J'ai rien vu, j'ai rien fait, j'ai rien vu, j'ai rien fait. Toujours me refrain, j'suis déterré au parquet. T'as bavé, t'as bavé, t'as bavé, t'as parlé. À la sortie, je t'attendais. Le système nous a tapé. Des paquets de lobby. Quand tu en es pensé, t'as le dit, je vais m'en trouver. Oui, je n'ai pas vu. Victime de mon passé. Le projet, c'est l'ennemi. Oui, je vais m'en venger. Par la street, j'ai pas le droit de m'idor. Les efforts vont payer, quoi qu'il arrive, on nourrira ce coffre fort. Oh oui, je les ai vus, ces zoulous devant nous, nous fermer les portes. Unis comme un seul homme, aucune de ces salopes ne m'impressionne. Maserati, Maserati, Maserati, Maserati, Maserati, Maserati, Maserati, Maserati, Maserati, Maserati, Maserati, Maserati. Rap français. Pour le moment, je suis au bendo, je pique rafé, je nous ébédo. Pour le moment, je suis au bendo, je pique rafé, je nous ébédo. Pour le moment, je suis au bendo. Pour le moment, je suis au bendo, je pique rafé, je nous ébédo. Neuf trop se débrouille et fait des bises. J'médite, j'entends qu'ils me disent. T'as l'air d'être un peu touché, mon petit Socrate. C'est ce que mes ex me disent, c'est ce que mes ex me disent. J'déboule dans le game comme une perquise. J'vois des perquitis frustrés, y'a pas de liquide. Qui frappent leurs femmes devant leurs kids. Se battent pour la garde partagée devant la justice. Hey, ouais, c'est moi, oui, ce n'est que moi. Ça s'est passé devant moi et j'ai laissé faire ce mal. Designer de la street, tu me connais, ça sert à rien de m'étonner. L'été prochain, tu me verras en féfé avec Barbie silicone. Pour le moment, je suis au bendo, je pique rafé, chou et bédo. Pour le moment, je suis au bendo, je pique rafé, chou et bédo. Pour le moment, je suis au bendo, au bendo. Pour le moment, je suis au bendo, je pique rafé, chou et bédo.

planète rap. La nocturne. Je te parle de drogue, j'insulte les bleus. Je fais ma musique, je fais ce que je veux. Toi, peu, tu prends, tu fermes ta gueule. Je te parle de bitch, je te parle d'alcool, je te parle de drogue, j'insulte les bleus. Je fais ma musique, je fais ce que je veux. Toi, peu, tu prends, tu fermes ta gueule. Je m'en bats les couilles, je suis pas ton sauveur. Je m'en bats les couilles, je suis pas ton sauveur. Je m'en bats les couilles, j'suis pas ton sauveur. Avec les classes, troisième bouteille, on est fonce, bé. Aujourd'hui, tant qu'on prend pas de bif, on va pas pioncer. L'acte de vol au PG et la daronne constait. Dans le band, qui contrôlait by négro, on le sait. On est plus en arabe, tout seul, on est monté. J'te parle de bif, j'te parle de drogue, j'insulte les condés. Et les puristes qui rentrent, j'fais du rap, j'y lettré. Yeah, yeah. Les soldats, on sait les compter. Hein? Je te parle de pitch, je te parle d'alcool, je te parle de drogue, j'insulte les bleus. Je fais ma musique, je fais ce que je veux, toi peu tu prends, tu fermes ta gueule. Je te parle de pitch, je te parle d'alcool, je te parle de drogue, j'insulte les bleus. Je fais ma musique, je fais ce que je veux, toi peu tu prends, tu fermes ta gueule. Je m'en bats les couilles, je suis pas ton sauveur. Je m'en bats les couilles, je suis pas ton sauveur. Je m'en bats les couilles, je suis pas ton sauveur. J'en ai rien à foutre de la vie des puristes. C'est pour fondre une balle de ma frite. Aucun de mes semblables dans les grands médias et maisons de disques. Normal qu'on prenne pour l'antéchrist. Spermatozoïde plus rapide que Muriel Urtis. J'suis le bébé qui vient faire jouir sa péricultrice. Le dernier de la classe qui pèse son institutrice. Un moteur de Bugatti dans une Peugeot 106. Pour ça que ces négros veulent braquer mon flow. Ils parlent de meuf maintenant, ils parlent de drogue maintenant. Ces négros savent, ces négros dansent, ces négros chantent maintenant. Tout le monde est Big Daddy sans savoir vraiment. Depuis l'arrivée de l'élu, plus rien n'est plus comme avant. Passe-moi la balle maintenant, je remonte le score maintenant. Si j'ai mes forces, c'est pour mon squad, David Trump présent. Hein? Je te parle de bitch, je te parle d'alcool, je te parle de drogue, j'insulte les bleus. Je fais ma musique, je fais ce que je veux, toi que tu prends, tu fermes ta gueule. Je te parle de bitch, je te parle d'alcool, je te parle de drogue, j'insulte les bleus. Je fais ma musique, je fais ce que je veux, toi petit con, tu fermes ta gueule. Je m'en bats les couilles, je suis pas ton sauveur. Je m'en bats les couilles, je suis pas ton sauveur. Je m'en bats les couilles, je suis pas ton sauveur. S-A-L-I-F, Olkari, Mesbin, Saint-Fiou, Macailleur, Mafia Quinquen, les cibles du Motex. De la musique, de la bonne dope. Et vous disiez que le rap était en deuil. Et j'en fâche, je pourrais pas t'apprendre la musique. Moi c'est la musique qui m'a appris, je fuck les puristes comme la police. Tiens comme dirait Rob, je hardcore comme je veux. Je tue comme je veux, enculé tes cheveux. Yeah. Toi c'est pas les fils, c'est plutôt le rap qui t'a brisé ton petit cœur. Écoute mon pote, je m'en bats les couilles, je suis pas ton sauveur. T'es le seul à avoir des problèmes parce que je calcule pas tes commentaires. Je te le répète, je m'en bats les couilles, je suis pas ton sauveur. Rap français, planète rap. La nocturne. C'est des pros, ce que les miens distillent. Je veux une grosse prod, je veux un petit stick. Je manie les mots, tellement c'est propre, je pourrais être prof de linguistique. Pas de Louis Vuitton ni d'Armanière, max 90 au pied. Tu me croyais mort, demande à Mani, il me reste des prods à disloquer. Au micro, je t'ai dit, je fracasse. Je suis déterre, le beat, je shoot. Merde, c'est moi ou Lady Gaga. À la dégaine de Beetlejuice, les soucis me rongent, la fume me kill. Je suis tout mec, pas peu donnant. Pour les cacher, j'accepte que du liquide ou bien de la peu dolente. Vas-y, viens dans l'oreille, crois pas que j'amasse des housses comme les Grimaldi. Je fais de la slick intemporelle comme Amadeus ou Vivaldi. Vite va le dire à ses acteurs, le galérien est de retour. Et

Lapin, Podka, Cuisine, Pontus, Transat, Rodka, Chivas, Coca. Un frère mus qui sent la vodka. Un Mercon récent, un brave parcours. Marmelé des marmeleurs, les petits bratous. Foutu à 15 ans, on voit les bains de sang. On fait les bains de sang, y'a du ketchup partout. Grandi dans le carnage, braqueur de mariage. Retour du Bénin, du head dans les bagages. Demande à Frank, tu sais ce que c'est qu'un hasard. La NASA, civil camouflé pour John NASA. Fermage de cellules, descente de rideaux. Tonnerre d'imposteur, avalanche de mythos. L'amour c'est vaisseau, les limites ont des sauts. T'es sûr que tu veux vraiment passer chez So? Hein? Tchèque. La casté. Pas mal d'argenté. La brosou. Hier 9-1 17ème. Cité Rougemont. Moulin 9. Cité Rouge 19ème. Félix Piat, le parc, Herbel, SFC, André Lursa, les USA, Blanco, Chuck, je suis passé chez So. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Comme le petit David, dévastateur comme Hulk et Goliath. J'prends le mic et ça hurle au miracle. Leur tête affichée trop minable. Dans le ghetto comme au village. Dans la boîte avec un gros cigare. M'as-tu vu à l'aise, poser la ma tutu Zalem, y'aura pas de copinage. Les mi-pédales, mi-oji rap. Young Touch et Bicho, mi-quan, j'ai grandi, j'en ricane. Rien contre la loi Taubira, de Guina, c'est pas trop bizarre, cardio plus qu'official. J'me fais les abdos pendant que tu t'engraisses et tu t'emmerdes avec ta gronias. Les coronets et l'audace attirent les trapules qui attendent au virage. Ok. Champ au finage avec du nickel, du sale et d'abominable. Je veux niquer Hella et ta grosse biatch. Ensuite Bella et Cameron Diaz. Dans la rue, pas dans le bateau pirate. Au sud avec un pseudo de Ria. Puis McDonald's à la batterie, piano, guitare. Tu veux nous imiter, tu vas chez Kral Copyright. Pour être au top, faut avoir les baloches d'un éléphant. J'ai pas le poids lourd si les tiennes sont pas plus balèzes que des noix de pécan. Bébé, compte le bénéfice de la journée si tu veux faire des bancs. Des billets, du bisé, du sale à vous faire, y'en a tellement. Les nœuds ont le Raymond. Pas de galère, moi je les aime tellement. Leur acte, ils veulent que je les remonte. Je pense qu'à mes gens et mes Raymond. Tu me passes des lots, je deviens méchant. Je te dépose devant quelle banque. Mais où tu tires une tête dans l'airment. À soi fait pif, on l'est tellement. Tellement. Tellement. Ça joue tellement drôle. Tellement. Tellement. Ils sont tellement drôles. Tellement. Tellement. On est tellement chaud. Tellement. Tellement. Les couronnes sont tellement grosses. Je pense à ton rappeur quand je kick un chip. Fais péter le morceau si t'as envie d'un break. Ils disent que je fais de la peufra mais j'ai mis 15 S. J'ai ma clientèle qui en redemande poster en file indienne. Je dédierai ma réussite à la mama d'Ar Paul Pogba. Longue vie à nos rêves, fuck cauchemar. Toutes les paresseux qui font des croche-pattes. Je crame l'argent sale au boulevard Haussmann. Je t'ai aidé ma musique et je vends le Tosma. Je vais relever les compteurs, Cadillac et Costard. Cause mal et tu prends le trottoir. Ripoulet d'Acatine pour devenir assez galbé. Voilà pourquoi madame l'Afrique prend des initiatives, elle veut toujours palper. Tellement street que l'on nie en bloc, pendant que les chemets tapent à sa table. J'en ai vu ressortir, libre et sans froc, ils ont donné v'là le tas de blase. Pour être au top, faut avoir les baloches d'un éléphant. J'ai pas le poids lourd si les tiennes sont pas plus balèzes que des noix de pécan. Bébé, compte le bénéf de la journée si tu veux faire des bancs. Des billets, du bisé, du sale à vous faire, y'en a tellement. Les nœuds ont le Raymond. Pas de galère, moi je les aime tellement. Leur acte, ils veulent que je les remonte. Je pense qu'à mes gens et mes Raymond. Tu me passes des lots, je deviens méchant. Je te dépose devant quelle banque. Mais où tu tires une tête dans l'airment. À soif et pif, on l'est tellement. Tellement. Tellement. Ça joue tellement drôle. Tellement. Tellement. Ils sont tellement drôles. Tellement. Tellement. On est tellement chaud. Tellement. Tellement. Tellement grosse. Tellement. Tellement. Hussein dans la nocturne 100% rap français. Dans un instant, on va attaquer la session classique. Tellement. Juste avant, que craint tellement. Tellement. dans la Nocturne. 100% rap français. Planète rap. 100% rap français. Hey. Hey. Bitch, je veux ma part en euro. Bitch, je veux ma part en euro. Oh oh. Bitch, je veux ma part en euro. Bitch, je veux ma part en euro. Oh oh oh oh. Bitch, je veux ma part en euro. Bitch, je veux ma part en euro. Oh oh. Bitch, je veux ma part en euro. Bitch, je veux ma part en euro. Hey. Bitch, je veux ma part en euro. Bitch, je veux ma part en euro. Oh oh. Bitch, je veux ma part en euro. Bitch, je veux ma part en euro. Oh oh oh oh. Bitch, je veux ma part en euro. Bitch, je veux ma part en euro. Oh oh. Bitch, je veux ma part en euro. Bitch, je veux ma part en euro. Hey. Je débarque du zoo, je débarque comme Zorro, je veux ma part du gros lot. Tu te croyais trop chaud, me regardais de haut, tu t'es cassé le dos. Tu fais mal aux oreilles, tu fais mal aux oreilles, ils font mal aux oreilles. Je m'en parle de la sono, je m'en parle de la sono, elle a bien sur le lait. Elle est vachement nouveau, je débarque comme Zorro, je veux ma part du gros lot. Je l'attaque loin de deux billets, prenons le temps, je vais te rentrer dedans. J'ai fait mal à la chenille, tu fais mal aux oreilles, tu fais mal à la bite. Fallait pas que je fasse ce beat, me voilà obligé de murder le beat. Changement de temps, hey. Impressionnant, ouais. Évidemment, ouais. C'était moi, tu fais comme moi, hey. Changement de temps, hey. Impressionnant, ouais. Évidemment, ouais. C'était moi, tu fais comme moi, mais. Bitch, je veux ma part en euro. Bitch, je veux ma part en euro. Oh oh. Bitch, je veux ma part en euro. Bitch, je veux ma part en euro. Oh oh oh oh. Bitch, je veux ma part en euro. Bitch, je veux ma part en euro. Oh oh. Bitch, je veux ma part en euro. Bitch, je veux ma part en euro. Hey. Bitch, je veux ma part en euro. Bitch, je veux ma part en euro. Oh oh. Bitch, je veux ma part en euro. Bitch, je veux ma part en euro. Oh oh oh oh. Bitch, je veux ma part en euro. Bitch, je veux ma part en euro. Oh oh. Bitch, je veux ma part en euro. Bitch, je veux ma part en euro. Hey. Béatu dans l'espace, les refrains me chauffent pour qu'on remonte d'Espagne. On parle de charbon à fond de taille, on parle de baston et de money taille. On parle de poisson et de coke et de caille. Roll deep style, baisse d'attention dans le brolic boy. Sorry, bah j'te filme comme un gros joint d'olivage. J'écoute de partout et mon flow cisaille. J'écoute le parcours de mon rival. J'ai une touche de balle lourde comme Zidane. Roll deep style, roll deep style. Roll deep style, roll deep style. J'te fume comme un gros joint d'olivage. J'découpe de partout et mon flow cisaille. J'écoute le parcours de mon rival. J'ai une touche de balle lourde comme Zidane. Roll deep style, roll deep style. Roll deep style, roll deep style. Bitch, je veux ma part en euro. Bitch, je veux ma part en euro. Oh oh. Bitch, je veux ma part en euro. Bitch, je veux ma part en euro. Oh oh oh oh. Bitch, je veux ma part en euro. Bitch, je veux ma part en euro. Oh oh. Bitch, je veux ma part en euro. Bitch, je veux ma part en euro. Hey. Bitch, je veux ma part en euro. Bitch, je veux ma part en euro. Oh oh. Bitch, je veux ma part en euro. Bitch, je veux ma part en euro. Oh oh oh oh. Bitch, je veux ma part en euro. Bitch, je veux ma part en euro. Oh oh. Bitch, je veux ma part en euro. Bitch, je veux ma part en euro. Hey. Kekra dans la Nocturne 100% rap français. On va finir avec un dernier son de Shai. Thibaut Courtois dans la Nocturne 100% rap français. La Planète Rap sur Skyrock. Nocturne. Et puis après on attaque la session classique avec Booba, notamment le bitume avec une plume. Prêt pour 30 minutes de classique, envoyez des messages bombardés la Nocturne sur Skyrock. Le hashtag Skyrock. Voici Shai, son album est dans les bacs depuis aujourd'hui. Je serais prête à leur faire la reggae qui est amoureux pour toi. Mon poste est en défense, j'arrête tes balles pour toi. Si je donne peu d'amour aux autres, c'est que je le garde pour toi. Gardien de ton cœur comme joueur de Chelsea, c'est mon côté courtois. Je suis prête à faire la reggae qui est amoureux pour toi. Pas de ta faute ni celle des autres, que tu es tort ou pas. Mon poste est en défense, j'arrête tes balles pour toi. Gardien de ton cœur comme joueur de Chelsea, c'est mon côté courtois. 200 sur le périph', j'écoute toujours d'essai. La chicha ou le toucher, va falloir que je décide. Pense à toi, on a vieilli, je te vois, je rajeunis. J'écoute OKLM radio, pourtant je suis nostalgique. Frais comme des os qui ont s'évadé du chenil. Perdu dans mes souvenirs, y'a toi et moi et les perquis. Je te hais, je me contredis, petit cœur en débris. On se crache comme des pilotes, ni pour impérialiste. Je serais prête à leur faire la reggae qui est amoureux pour toi. Mon poste est en défense, j'arrête tes balles pour toi. Si je donne peu d'amour aux autres, c'est que je le garde pour toi. Gardien de ton cœur comme joueur de Chelsea, c'est mon côté courtois. J'arrête les balles pour toi. Gardien de ton cœur comme joueur de Chelsea. C'est mon côté courtois. Mon prince est en défense, mais je suis toujours sur l'offensive. Elles étaient nombreuses autour de toi, puis j'ai fait le tri. La lance Athéna dans leur gueule passée, elles l'ont senti. Est-ce que je t'aime encore? Sujet sensible. Je trouve plus le nord, je suis du père dans ta sauce. La craie blanche est sortie, tes ennemis peuvent prendre la pause. Le pouce vers le bas, je t'écommode dans la fosse. Pour t'avoir devant moi, je mettrai le monde à dos. Les balles peuvent pleuvoir, je vais les arrêter. J'irai même contre l'humanité. Je pense qu'à toi depuis que tu m'as piqué. Sur un nuage, je suis localisé. Les balles peuvent pleuvoir, je vais les arrêter. J'irai même contre l'humanité. Je pense qu'à toi depuis que tu m'as piqué. Sur un nuage, je suis localisé. Je vais faire la reggae qui est amoureux pour toi. Mon passé est en défense, j'arrête tes balles pour toi. Si je donne peu d'amour aux autres, c'est que je le garde pour toi. Gardien de ton cœur comme joueur de Chelsea, c'est mon côté courtois. J'suis prête à faire la reggae qui t'a mouru pour toi. Pas de ta faute ni celle des autres, que tu es tort ou pas. Ton poste est en défense, j'arrête tes balles pour toi. Gardien de ton cœur comme joueur de Chelsea, c'est mon côté courtois. Rap français 100% explicit lyrics. La nocturne. Mon frère, je voulais la gloire. J'ai eu la guerre, je l'ai faite, j'en aura d'autres, c'est la merde. J'étais dans vos toupets, car tout se paye. Donne-moi la bouteille, je tousse pas, me touche pas. Du 9-2, c'est de là que tout part. L'œil de Rocky, les couilles à Rocco, grand sirocchi et trop de pauvres dans les propos. Tous dans la nan, pas tous dans la tête, pas. Mais c'est trop tard pour foutre du mascara sur un cocard. Je parle mal, mais j'ai la rétine assassine. Le mal par le mal, sans pour les man. Trop de soucis aussi, on m'a scié. C'est pas nouveau, ici y'a que des putes. On serre la main à des canons sciés. Les manques de manier la scie pour des bifetons. Micro 357 bidon. Violent, depuis les chaînes et les bateaux. Je rampe, t'inquiète, aucune marque dans le dos, man. Je les ai dans le crâne. Je suis arrivé dans le son, rase la guerre dans mes morceaux. Si je me fais canner, pas besoin d'en faire une chanson. Mon stylo dans la terre, je t'aurai sans rançon. Ça sans rancune, tu bitch, je m'en vais avec une plume. On trace la guerre dans mes morceaux. Si je me fais canner, pas besoin d'en faire une chanson. Mon stylo dans la mer, vers le cap sud. Je te résume, je suis le bitume avec une chumeur. Un peu fin, un peu fin pour tous mes défunts. La routine, le chocard, la chevrotine, roule en jet car. Du popo en stylo dans mon jean. 100 millésimes, je suis dégoûté comme quand j'étais gras. Rap à l'usine, contrôler plus à l'urine. Je fais du 0 à 100, une 10 quand je vois mes ronçons. Je dors sans la fiole, des mars sans fuel. Quand je vois la France, les jambes écartées, j'encule sans huile. J'arrive en ville, brille, on part en ville. J'aime les représailles, tire en l'air ou dans mes Nikers. J'me lave à 15h, me couche à 6 du mat. Des vœux du mot, ouais, c'est la patate, ouais. Au mic, c'est platoon et ça retourne. Car j'ai appris quand y'avait pas de thunes. Alors que tourne la roue, nos rues des fours. Laisse-moi rouler maniaque, ce matin c'est ma liasse. Un bon QI, du courage, un peu de vie, c'est les poulets rôtis. Dans ma team que des numéros 10. On trace la guerre dans mes morceaux. Si je me fais canner, pas besoin d'en faire une chanson. Mon stylo dans la terre, je t'aurai sans rançon. Ça sans rancune, tu le bitch, tu m'as avec une plume. Je veux pas rapper avec les pins, c'est écrire mon nom sur le banc. Sous écrou longtemps, mes empreintes de doigts sur le gland. Je veux peser, baiser, me reposer. Le dos au BA, roule avec OCB. 3, 4, 5, 6 tasses à la semaine. Ici ça pue le casse de la casquette à la semaine. Je suis qu'un missile. Guidé par 45, dopé au shit à la soul, au rire à la smoule. On sort pas du tchap, pas d'une chaga. Et à chaque album d'une autre époque de chacal. Juste ma caca avec une plume, ne sent plus la douleur. Et leur tumeur à la couleur de ce que j'fume. Le régime à la résine. J'te résume, j'suis le bitume avec une plume. Et si j'me fais canner, pas besoin d'en faire une chanson. Mon stylo dans la mer,